Salam alaikum, Abdullah Deidar Beda. Sous-estimer le black ne fait plus jamais ça. Sinon je te fais payer le dribble comme à jamais. Non. Oh. Oh. Sous-estimer le black ne fait plus jamais ça. Sinon je te fais payer le dribble comme à jamais. Non. Oh. Oh. Check-moi la main que si t'es pas maudit. J'suis à des années-lumière comme pas maudit. Les anciens me parlent, me disent que j'suis resté le même. Les types, eux ont fait les bourrins, rien, ils te mêlent. Foutu mélo qui fait bouger les cabus. Moi tu crois toucher le bleu, on se demande qu'est-ce que t'as bu. Pourquoi ils parlent, ils sont devenus tous asbines. Le sage du me file, je fais yebou jasmine. J'prends les c'est pas les dire à mon dire chant de Gaulle, la dalle comme Pedro Dolin. Tapis dans l'ombre, s'il le faut, j'le fais voler. J'suis un vendeur de rêves, mes concurrents sont affolés. J'ai mieux que Wigga Wigga, mieux que ta putain de weed. J'me contiens juste parce que j'veux pas qu'on me prenne pour une idole. Renveris in the middle, lui qui parle, il t'a mis. En direct, j'suis sous file, en direct, je les kill. Ne fais plus jamais ça. Je remplace une pourrissage, je garde sarcelle à mi-fa. J'arrive sur un chameau, je repars dans un gamos. Tu veux me suivre, arrive en moi, je ne m'arrête pas. Black M, Majawa, section d'assaut, est-ce que tu es là? Oh, j'ai tout déjà mis le fna. Oh, khalas, khalas, Jiwan, ahtina, le suivi de l'Ata. Sous-estimer le black ne fait plus jamais ça. Sinon, je te fais payer le dribble comme à jamais. Non, oh. Allah, Allah, Allah, Allah. Sous-estimer le black ne fait plus jamais ça. Sinon, je te fais payer le dribble comme à jamais. Non, oh. Bizarrement, toi t'es pas là. Passez-moi le mic, j'suis avec Black Indy ou Hella. Eux ils tapent dans le zeb, j'ai la dalle de Venu. N'taya qu'à t'agar bezef, on berk al-dil ou elou. C'est relou, tout est rallye. Choisis bien tes copilotes, la vie est un rallye. Tout nous relie. Le rap, j'vais lui taper ça tant que tu finiras par ma pérale. Wesh, vélo, j'm'arrache à Marrakech. Tu m'connais, j'suis déterminé, j'bâtis ma vie comme un gage. Toi tu te la racontes, t'as fait péter la taille. Moi j'suis dans mon délire, poteau, j'ai fait péter la taille, ok. Wesh, vélo, j'm'arrache à Marrakech. Tu m'connais, j'suis déterminé, j'bâtis ma vie comme un gage. Toi tu te la racontes, t'as fait péter la taille. Moi j'suis dans mon délire, poteau, j'ai fait péter la taille. Sous-estime B.Y. ne fais jamais ça. Sinon j'te fais payer le triple comme à jamais à le snap. Sous-estimer B.Y. ne fais jamais ça. Sinon j'te fais payer le triple comme à jamais à le snap. Sous-estimer le black ne fait plus jamais ça. Sinon je te fais payer le dribble comme à jamais. Non. Oh. Oh. Sous-estimer le black ne fait plus jamais ça. Sinon je te fais payer le dribble comme à jamais. Non. Oh. Oh.